Seconde, il sera 17h et nous retrouverons Laetitia Gaillet. Et puis juste après, vous l'avez entendu, Charline Vanhoenacker et ses camarades. Laetitia, on vous écoute pour les infos. Le tribunal administratif de Bastia a entendu toutes les parties et il a tranché cet après-midi. Pas de burkini sur les plages de Cisco en Corse. Le tribunal de Bastia a rejeté la requête en référé de la Ligue des droits de l'homme qui demandait sa suspension conformément à la décision prise fin août par le Conseil d'État pour l'arrêté de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. L'argument du tribunal est basé sur le fait que l'émotion n'est pas retombée après les rixes du 13 août et que la présence d'une femme portant un burkini serait de nature à troubler l'ordre public. On en reparle tout à l'heure dans le journal de 18h. 11 ans avec une partie du visage d'une autre. On l'apprend aujourd'hui. Isabelle Dinoir est morte le 22 avril dernier à l'âge de 49 ans. Le CHU d'Amiens a confirmé cet après-midi l'information donnée par le Figaro. C'est là-bas que le duo à Amiens de professeurs du Bernard et du Vauchel avait réalisé une première mondiale. La première greffe de visage, c'était en 2005, Véronique Julia. Isabelle Dinoir, c'est cette jeune femme blonde de 38 ans que le monde entier a découverte le 6 février 2006 lors d'une conférence de presse. Deux mois et demi après l'opération, l'équipe du professeur De Vauchel du CHU d'Amiens présentait sa première mondiale, une greffe nez-bouche réalisée en novembre 2005. Avant l'intervention, Isabelle Dinoir n'avait plus qu'un trou béant à la place. Attaquée par son chien, il lui manquait toute la partie basse du visage. La greffe lui avait offert, disait-elle, une deuxième chance, pouvoir sortir, affronter le regard des autres. Beaucoup de travail aussi. Il a fallu des heures et des heures de kiné pour réapprendre à parler, à articuler avec la bouche d'un autre. Un travail psychologique aussi pour accepter de porter le visage d'un donneur. Beaucoup de médicaments également pour éviter les rejets propres à la greffe. Il y a encore 2 ans, Isabelle Dinoir disait aller plutôt bien. Très suivie à l'hôpital, elle pouvait mener une vie presque normale. Mais elle n'avait pas repris le travail. Elle était même à près de 50 ans devenue grand-mère. La dernière année a été très difficile avec notamment des pertes de sensibilité au visage. Isabelle Dinoir est morte des suites d'une longue maladie, précise le communiqué du CHU d'Amiens, un cancer vraisemblablement favorisé par la prise d'anti-rejet. Véronique Julia, Robert Rochefort n'est plus le vice-président du Modem. François Bayrou a mis fin officiellement à ses fonctions aujourd'hui. Cela fait suite à l'interpellation de l'eurodéputé, ancien directeur du Crédoc, la semaine dernière. Il a été interpellé pour exhibition sexuelle présumée dans un magasin de bricolage en région parisienne. Ces accusations ne sont pas fondées. Dans un communiqué, l'eurodéputé Modem réfute les accusations dont il fait l'objet. Robert Rochefort affirme que les faits se sont produits dans un contexte où il a été frappé, jeté à terre par une personne ne faisant pas partie de l'établissement. L'incendie d'hier sur les hauteurs de Marseille est désormais maîtrisé. Les pompiers continuent toutefois leur travail pour sécuriser la zone. Au total, ce sont donc 390 hectares de végétation qui sont partis en fumée dans les Calanques. La piste criminelle reste privilégiée. Mais au-delà de cet aspect, Jean-Claude Gaudin, lui, a poussé un coup de gueule aujourd'hui. Si l'on veut préserver des sites comme les Calanques, il faut aussi, selon le maire Les Républicains de Marseille, donner aux marins-pompiers de la ville la possibilité de travailler. Et l'attaque est directement adressée à Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement. Jean-Claude Gaudin avec Isabelle Dor. Qu'on nous permette de faire des routes de pistes qu'on appelle les DFCI plus larges et qu'on nous permette de mettre de temps à autre des réserves d'eau en tenant compte de l'environnement, en tenant compte de toutes les contraintes environnementales, mais qui faciliterait effectivement le travail, soit des sapeurs-pompiers, soit des marins-pompiers. Pourquoi on vous refuse ces citernes et ces pistes ? Parce qu'il y a eu une vocation de l'environnement qui fait qu'on ne doit rien toucher, on ne doit rien changer, etc. Même lorsque c'est indispensable d'essayer de faciliter le travail de ceux qui mettent leur vie en jeu à l'occasion de ces feux. Donc je le demande expressément aux services de l'État qui dépendent directement de Madame la Ministre. Mais puisqu'elle s'occupe beaucoup de notre région, Madame le Ministre, elle pourrait prendre en compte ce que nous lui demandons. Jean-Claude Gaudin, le maire Les Républicains de Marseille. Il fallait s'y attendre compte tenu de ses résultats à l'US Open notamment. Lucas Pouille a été retenu pour disputer la demi-finale de la Coupe Davis. Annonce du capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, Yannick Noah, le numéro 25 mondial désormais, rejoint Joe Wilfried Tsonga, égal mon fils, ainsi que le duo Mahut-Herbert pour le double. Gasquet et Simon sont donc sur la touche. La demi-finale contre la Croatie se jouera du 16 au 18 septembre prochain à Zadar, en Terre terre croate. Et puis on l'apprend à l'instant, la doyenne des Français, Elisabeth Kolo, est morte. C'est sa famille qui l'annonce. Elle était âgée de 113 ans. 17h05 sur France Inter. On file à la Bourse de Paris, retrouver Antoine Verlin. Antoine Verlin, fin de journée en petite baisse. Eh bien oui, Laetitia, le CAC 40 cède actuellement 0,21%, il revient à 4532 points. Le marché parisien qui végétait jusqu'à présent sur une petite hausse s'est tassé avec l'annonce d'une forte décélération de l'activité dans le secteur des services aux États-Unis. D'ailleurs, le billet vert est reparti à la baisse, l'euro remonte à 1,1240$. Parallèlement, la perspective de taux encore durablement bas outre-Atlantique n'est pas favorable aux valeurs financières. Ainsi, Crédit Agricole perd 1,70%, Société Générale moins 1,48%, BNP Paribas moins 1,19%. Ce sont là les trois plus fortes baisses du CAC 40 à l'opposé. Grâce à l'opinion positive d'un analyste Publicis, se distingue avec un gain de 2%. A noter Ingenico qui chute quand même de 14%. Le spécialiste des solutions de paiement sécurisées a revu à la baisse ses prévisions de résultats annuels. Le CAC 40, en petite baisse de 0,20%, il est à 4532 points. C'est Antoine Verlin à la Bourse pour France Inter. Du lundi au vendredi matin à 9h10, Boomerang, le rendez-vous culture de France Inter. Augustin Trapenard. Demain, je reçois Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, le duo incontournable du cinéma et du théâtre qui fait son grand retour sur scène à deux dans Les Femmes Savantes. Non ! Bah si, vous n'allez pas non plus m'engueuler. Non ! On dit oui à Bacri et Jaoui dans Boomerang. Demain matin sur France Inter, à partir de 9h10. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants. À l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Agir, la troisième édition du Monde Festival. Culture, science, environnement, nouvelles technologies, politique. Écoutez et réagissez au débat. Participez aux ateliers et profitez de spectacles inédits. Rendez-vous à l'Opéra Bastille, au Palais Garnier et au Théâtre des Bouffes du Nord du 16 au 19 septembre. Retrouvez le Monde Festival dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Le Monde Festival, un événement présenté par Le Monde en partenariat avec France Inter. On ne le dira jamais assez, Charline Van Anacker, mais quel bonheur de vous retrouver. Oh merci, Laetitia Gaillet. C'est chouette. Oh, quel enthousiasme. J'aime ça. Vous le sentez autour de cette table, l'enthousiasme? Oui, oui, oui, oui, oui, Fayot. Merci Laetitia pour ces informations. On sera heureux de vous retrouver demain. Et on est impatients de commencer tout de suite cette émission qu'on a préparée de longue haleine. Salut les amis. Salut Charline. Alors on a déjà pensé à des sujets. Oui, on a bossé. Ouais. Qui c'est à vous? Ben l'équipe. Ouais. Oui, bah, je me demande si je vais continuer à vous concerter pour les sujets. Moi. Ah bon, on arrête? Ah, mais il était temps qu'on arrête les sujets. On met quelques brèves en plus. Les gens adorent. Non, on n'arrête pas. Non, d'ailleurs, je vais monter le niveau d'exigence journalistique de l'émission. Ah bon? Oui, parce qu'on commence à flirter avec le sommet. Ah, c'est pas grâce à moi. Ah, bah, c'est peut-être grâce à moi. Non plus. Ah, c'est qui? C'est moi. Oui. Hier matin, je choisis un sujet 1, Angela Merkel. Sujet 2, la communauté chinoise. Moi, j'étais pour la paluchade chez Casto. À 14h. On reçoit Le Monde. Ah oui, je lis jamais celui-là. Attends, tu m'étonnes. Et en couverture du Monde, surprise. Branlette et bricolage. Non, ça, pas une ligne. Pas une ligne. C'était quoi, alors? Sujet 1, Angela Merkel. Non. Sujet 2, la communauté chinoise. Oh, génial. Voilà. Bah, et alors, tu sous-entends qu'on a eu de la chance de choisir l'info comme Le Monde, c'est ça? Ah non, mieux que ça, maintenant. Ben oui, quoi. Je pense que Le Monde espionne nos confs de rédaction. Non. Parce qu'ils sont jaloux de mon flair journalistique. Non. Non. Et qui sentent que la vraie grosse émission qui fait l'actu, bah, c'est nous, quoi. Elle a le melon, en tout cas. C'est une pastèque, là. Oui, bah, ça change des trucs. Hein. Bon, et aujourd'hui, mademoiselle Londres Pulitzer, on fait quoi comme aujourd'hui, thématique? Aujourd'hui, en 1, les femmes à droite, s'il n'y en a pas. En 2, Cahuzac. Okay. Et en 3, la mort annoncée des hipsters. Non. Mais quoi? Mais pourquoi ça t'étonne? Bah, attends, c'est pile la une des dernières nouvelles de Poitou-Charentes. Silence au boulot, hein. Oui, Christine O'Crène. Pas d'insultes. France Inter, bonjour la France entière, vous écoutez l'émission qui pousse l'actualité à la faute. Et si les trois informations suivantes sont maltraitées jusqu'à 18h, ce sera la faute de Michel Rocard. Sien Kael ne tient pas ses signatures. La primaire de la droite se jouera entre hommes. À gauche aussi d'ailleurs. Peut-être qu'au sein des partis politiques, on pâtit d'une certaine vision de la femme. Vous avez un cœur de pierre indigne d'une femme. Ne voyez pas toujours en moi la femme, Maître Ford. Il serait grand temps pour vous de comprendre que je suis un individu. Le procès de Jérôme Cahuzac, c'est le procès du mensonge en politique. Et on n'est pas déçu puisqu'il charge Michel Rocard maintenant. Pour le reste, Cahuzac ne change pas sa ligne de défense. C'est pas moi, c'est la banque. Ils m'ont tout pris. J'ai plus de chéquier. La carte bleue, c'est la carte bleue de ma mère. Le look hipster est déjà démodé quand un style a largement été adopté par le monde du football, considéré que c'est déjà mort. Pourtant, c'était hier quand votre barbe se dégageait derrière les oreilles et battait encore les copains. C'est court, hein. Non, mais c'est court, mais c'est bien dessiné. C'est ça qui fait le truc. C'est soigné comme coup. Pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui dont le style fait... dont le style est... intemporel, c'est Alex Vizorek. Écoutez, avec une moustache, ça fait footballeur allemand des années 90. Bonjour à tous, et aujourd'hui j'ai pris une belle équipe, car l'invité c'est Welton, je devais prendre les meilleurs, 17h20. Il a fait sa rentrée hier soir au Grand Journal et a déjà expliqué à la Miss Météo qu'il était capable de faire monter sa température à coups de stérilet afghan. C'est André Manoukian, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour Guillaume, bonjour Juliette. Bonjour mademoiselle, l'invité surprise dont je n'ai pas le droit de révéler le nom. Je vais vous parler d'une chanteuse soudanaise formidable. Très bien, 17h30. Quand je le compare à Spinoza, je le trouve un peu surfait. En revanche, quand je vois Cyril Eldin interroger les politiques, je trouve que c'est un génie. Bonjour Guillaume Meurice. C'est gentil Alex, bonjour Alex, bonjour à tous. Et ben moi je suis allé aujourd'hui au salon de la bijouterie et j'y suis allé pour quoi faire ? Emmerder les fabricants de bijouterie. Et bonne réponse ! C'est mon métier, merci beaucoup. Et à 17h40, elle se fiche un peu de savoir si un verre est à moitié vide ou à moitié plein, puisqu'elle a déjà commandé la petite sœur. C'est Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour. Comment on va ? Eh ben, elle va très bien, d'autant qu'elle va traiter le livre de l'invité dont je ne vais pas révéler le nom. Vous voyez la nounou d'enfer sur anciennement sur M6 ? Ouais. La nounou était super sympa avec les enfants et à la fin elle se marie avec le papa. C'est pas... Eh ben là, c'est pas du tout ça. C'est pire. Voilà pour ceux qui présentent, mais c'est l'invité qui préside, celle qui a tout annulé, a été journaliste pour le magazine Jeune Afrique. Votre premier roman s'intitule Dans le jardin de l'ogre, est inspiré notamment de l'affaire DSK. Et votre deuxième roman, vous venez nous le présenter aujourd'hui. Alors je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes Leïla Slimani. Ah, welcome. La chance. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bonjour. Yeah. Ah, évidemment. Champagne. Et oui. Bonjour Leïla Slimani. Bonjour. Et donc, bravo, félicitations, parce qu'on vient d'apprendre que vous figurez parmi les 16 romans sélectionnés pour le Goncourt. On l'a appris tout à l'heure. Bah oui, moi aussi. Alors, ça vous fait quoi? Des frissons dans le dos? Je sais pas. Non, je suis très contente. Voilà, le truc habituel, très honorée, très contente, très fière. Voilà, j'ai reçu 12 appels de ma mère en 12 heures. On l'embrasse voilà. Alors, on la salue. Est-ce que vous viendrez expliquer à Clara Dupont-Moulin ce que ça fait de gagner le Goncourt? Ça serait vraiment chouette. Et est-ce que, comme Pretty Woman, vous êtes tellement émue, que vous allez faire pipi dans votre culotte? C'est possible après la coupe de champagne, peut-être. Ouais. Leïla Slimani, vous publiez Chanson 12, c'est paru chez Gallimard. Paul et Myriam ont deux enfants, c'est un couple de bobos. Pour pouvoir retravailler, Myriam doit confier ses enfants à une nounou, elle cherche, et puis elle a une sorte de coup de foudre parce qu'elle a trouvé, elle tombe sur une fée, dit-elle, c'est une fée. Le titre s'appelle c'est Chanson 12, et la première phrase du livre, le bébé est mort. Ce n'était donc pas une fée. Voilà, tout à fait. Il y a la nounou, il y a l'enfer, mais sauf qu'il n'y a pas la nounou d'enfer, effectivement. Exactement. Donc voilà, ça dérape très rapidement. Alors, il y a une volonté, j'imagine, tout de suite de bousculer le lecteur avec la première phrase, de l'entraîner dans un fait divers inspiré de faits réels. C'est oui, ça, tout à fait. En fait, j'ai été marquée par un fait divers qui avait eu lieu en 2012 à New York, qui se passait dans l'Upper East Side, dans une famille justement de bobos, de gens qui avaient très bien réussi leur vie, qui avaient 3 enfants et qui avaient une nounou dominicaine qu'ils avaient engagée depuis longtemps, avec qui ils s'entendaient très bien. Et puis, c'était le genre de personne qui tenait des propos disant, tu sais, elle fait partie de la famille, ils avaient une photo de la nounou dans leur bibliothèque, mm-hmm. ils étaient allés avec elle en République dominicaine. Donc, apparemment, une entente parfaite. Ouais. Et une après-midi, la nounou, sans que rien n'ait donné de signes d'alarme, a assassiné effectivement les deux enfants. Alors là, vous inversez presque un peu les rôles parce que la maman Bobo s'appelle Myriam, elle est arabe et la nounou s'appelle Louise. Et pourtant, il y a un écart, social entre les deux. Donc vous avez, il y avait, j'imagine, un jeu avec ça, une volonté d'inverser les choses pour apporter quoi ? Bah, déjà parce que je trouvais qu'il y avait une forme de facilité dans le fait d'aller chercher la nounou ivoirienne et puis la maman qui s'appellerait Brigitte ou je sais pas quoi. Parce que je trouve que en fait, c'est pas véritablement le reflet de notre époque ou de notre société, que c'était intéressant de montrer aussi qu'on pouvait, enfin c'était pas juste une critique sociale manichéenne, de montrer qu'il y a aussi des gens qui peuvent venir de l'immigration mais s'en sortir très bien, et qu'à l'inverse on peut être un français de souche ou un blond aux yeux bleus, et voilà, et être complètement relégué ou déclassé. Et puis ressembler à un ange blond aux yeux bleus, celle qui va se révéler. Donc la première phrase du roman, le bébé est mort, donc on comprend tout de suite. Oui, vous commencez par l'épilogue. Juliette Arnaud va en reparler dans la chronique consacrée à votre ouvrage. C'est un fait divers d'une noirceur, mais la plus épaisse qui soit. Le roman que vous avez écrit, c'est aussi retracer le fil et essayer d'éclairer la noirceur en réexpliquant tout depuis le début, en reposant le cadre, la psychologie, l'histoire, c'est ça ? C'est éclairer ? Oui, tout à fait, éclairer la noirceur, éclairer les malentendus qui peuvent s'installer dans un cadre intime, à l'intérieur d'un couple, à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur des relations entre un employeur et son employé. Et c'est retracer aussi la dérive d'une femme, le fait qu'elle sombre de plus en plus dans la folie. J'ai reçu il y a quelques heures le message d'un psychiatre qui me disait « J'ai lu votre livre et vous décrivez justement l'effet de la psychose. » On appelle ça un effet en toile d'araignée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'installe de manière très progressive, qui s'insinue comme ça dans l'esprit. Et voilà, c'est ça que vit Louise, une folie tout à fait progressive. Et puis aussi toute l'ambiguïté aussi de cette relation intime mais tarifé. Aussi le fait que le couple, il est employé, il travaille, et puis quand il revient à la maison, ils sont patrons. Le salaire, l'argent qu'on doit donner, l'employé au travail à la maison, il y a toute cette ambiguïté aussi de la nounou, c'est une relation intime et tarifée. Exactement, c'est cette ambiguïté qui m'intéressait beaucoup, c'est-à-dire que la relation employeur-employé, maître-esclave, elle est tout le temps bouleversée. La mère est la patronne, mais en même temps, c'est la nounou qui s'occupe des enfants, qui a prise sur les enfants. Donc elle domine d'une certaine façon les parents, puisqu'elle a une prise sur ce qui est le plus important à leurs yeux. Donc, on ne parle jamais à sa nounou comme on parle à un autre employé. On n'ose pas la vexer. On ne veut pas se mettre dans une mauvaise relation avec elle parce qu'on a peur qu'elle se venge sur les enfants. Ah oui. Donc, le fait qu'il y ait les enfants entre les deux, voilà, change complètement la relation habituelle qu'il peut y avoir entre un employeur et son employé. Leïla Slimani, chanson douce, c'est paru chez Gallimard, avec une écriture détachée sur les choses un peu froide et parfois chirurgicale. On va en reparler justement avec Juliette Arnaud tout à l'heure, puis toute l'équipe, évidemment. Vous êtes sur France Inter. Et c'est champagne. Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. And you got me wanting you. Honey. Sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Sugar Sugar sur France Inter. Sucre, en... sucre, hein, pour les gens. Nous sommes en compagnie de Leïla Slimani, femme de lettres, donc on peut très bien gloser sur la linguistique. Chanson douce, c'est votre roman paru chez Gallimard. Juliette Arnoux en parlera tout à l'heure. Et André Manoukian sera autour de la table. Et Guillaume Meurice a été voir les bijoutiers. Oui, j'attends avec impatience. Leïla Slimani, vous avez été, vous l'êtes toujours un peu, on le sent dans l'écriture, journaliste, notamment à Jeune Afrique. On salue nos confrères, ça se fait toujours. Et donc, il s'agit d'informations, là, avec rigueur. Leïla, c'est là où on croise les sources pour mieux les mélanger, c'est maintenant. Vous allez en prendre plein la gueule. Si on ne veut pas d'ennui, il vaut mieux pas avoir été président de la République. Le journal de presque 17h17. Ils vont vous écrabouiller. Pas non plus... caricaturesque d'une campagne électorale. Et on commence par les titres. Justice, Nicolas Sarkozy déclare. J'en ai vu d'autres. Oui, Michel Rocard va déclarer pour Big Maillon, j'y suis pour rien. M. Pokora va sortir un disque de reprise de Claude François. Son fils Claude François Junior a dit après l'écoute, j'ai pris une claque. Oui, on s'empêchera pas de penser qu'il aurait dû en mettre une, plutôt. Et il y aura une interview dont on est certain que vous ne l'aurez pas entendue ailleurs. Et des brèves que j'ai entendues ailleurs, mais je vous dirai pas. Oui, bah ça tombe bien, on veut pas savoir, voilà. Commence donc par le procès de Jérôme Cahuzac. Il aurait déclaré que l'argent dissimulé en Suisse était destiné à financer Michel Rocard. On est sûr de ça ? Écoutez, si les juges n'y croient pas, demain, il y a un autre argument qui arrive. Ah, bon, alors... Les comptes en Suisse auraient été ouverts pour payer des putes à l'abbé Pierre. Ah, c'est... Et si ça marche pas, mercredi, c'est all-in. Le compte en Suisse aurait été ouvert pour acheter sur place de la viande des grisons pour le grand moufti de Marseille. On reste en politique avec Benoît Hamon, oui, qui a annoncé avoir créé son micro-parti et on a dévoilé le nom. Alors Elpis. Hein ? Oui, parce que dans la mythologie grecque, Elpis, E-L-P-I-S. Dans la mythologie grecque, déesse personnifie l'espoir sous la forme, mais ne riez pas, d'une jeune femme portant une corne d'abondance. Ah bon, voilà. Qu'elle pisse à l'aise du coup. je pense qu'elle va surtout pisser dans un violon. Oui. Alors, le vrai problème, c'est si Benoît Hamon s'allie à Macron. Ah, ça donne. Elle pisse en marche. Et évidemment. Bon, ils verront ça à l'université d'été, c'est prévu, sur l'île de Ré, puisque elle pisse à l'arrêt. Je pense qu'on les a tous faites. Gauche, aussi chez vous, sur Twitter, si vous voulez. Anne Hidalgo l'a annoncé, un hangar de la SNCF abritera le camp de migrants de Paris. Voilà, espérons juste qu'ils ne seront pas nourris avec les plateaux servis dans le wagon-bar. Passons au centre, car François Bayrou a écarté Robert Rochefort de la direction du MoDem. Pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que ça va le stresser, ce truc-là. Et du coup... International. Oui. Après un attentat commis contre des djihadistes par une femme entièrement voilée, Daesh interdit le port de la burqa en Irak. Ah, du coup. Éric Ciotti soutient Daesh. Attentat toujours. M. Pokora a commis un disque de reprise de Claude François. Oui, alors M. Pokora se défend, prétendant que c'est à la demande de Michel Rocard qu'il aurait fait ce disque. Mais... Oui, d'ailleurs, Alex, c'est l'interview dont on est certain que vous ne l'aurez pas ailleurs, c'est Claude François. Et oui, il est avec nous, Claude François. Que pensez-vous des reprises de vos chansons par Matt Pokora? Oui, si j'avais un marteau. Oui, vous le cogneriez, j'imagine. Je le cognerais le jour, je le cognerais la nuit. Vous dites ça pour rire. J'y mettrais tout mon cœur. Donc vous êtes contre, mais on peut imaginer que si vous étiez toujours de ce monde, eh bien vous l'inviteriez chez vous à la maison. Ne viens pas à la maison. Et à Pokora qui chante. Oui, donc vous êtes en colère. Quoi, mais vois. Comme d'habitude. Bon, de toute façon, vous ne pouvez rien y faire. Oui. Même si je revenais, je crois bien. Oui, écoutez, courage à vous. Oui. Oh, vous savez, j'y pense, puis j'oublie. Merci, Claude. C'est confondant. Merci, Claude Meurice. C'était pas le vrai Claude François, hein, je préfère prévenir les gens. On termine par des brèves. Oui, allez-y. Oui, des scientifiques développent un vaccin contre la dépendance à la cocaïne. Et oui, et Frédéric Becbédé aurait testé, c'est déjà le 47e vaccin qui s'injecte, et il est ravi, ça marche. Une dernière ? Oui, La Rochelle. Ivre, il vole un bateau et font naufrage dans le port. Si Christophe Colomb avait été Rochelais, les Indiens vivraient toujours en paix. Il est 17h24 à La Rochelle et à Paris. Nous sommes en compagnie de Leïla Slimani qui publie Chanson douce chez Gallimard et qui est dans les 16 romans sélectionnés pour le Goncourt. Mazette, bien sûr. Alors, on va aborder le premier sujet avec vous. Il y a la journaliste et la citoyenne qui est en vous, Leïla Slimani. Si NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, ne récolte pas les signatures qui lui manquent avant vendredi, la primaire de la droite et du centre se jouera uniquement entre hommes. On est en politique, donc ce qui lui manque à NKM, c'est pas des signatures, c'est une paire de couilles. Oui, bah ça se travaille, figurez-vous. Il faut que tu apprennes comment un homme doit tenir une biscotte dans la main. La biscotte doit se tenir virilement, comme ça, regarde. Et le beurre, il faut l'étaler avec la même puissance. Allez, n'aie pas peur d'appuyer. Oui, c'est ça, c'est bien. Ça va encore. Non, non, non. Prends une autre biscotte. Je n'y arriverai jamais, jamais. La pleurniche encore, c'est fini, oui. Tiens-la bien, cette biscotte, bien fermement dans ta menotte. Avec mesure et décision, une main de fer dans un grand bol. D'accord, oui. C'est ça, bon, la biscotte de l'homme. D'accord. Allez, on passe à plus difficile. Un peu de confiture. Dans la cuillère. Je prends la petite cuillère. Oui, c'est ça. Non, non, pas comme ça. Qu'est-ce que c'est? On dirait une clochette que tu secoues. Excuse-moi, c'est simplement une cuillère. Tu la tiens sans trembler, franchement. Ben, c'est vu, oui. Sans trembler, bah oui. La cage aux folles, bien sûr. Leïla Slimani, donc, on vient d'entendre Nathalie Kosciusko-Morizet, obligée de se greffer une paire de couilles pour aller en politique, pour avoir sa signature. Est-ce qu'une femme, pourtant, une femme qui arrive au pouvoir ou une femme en politique, ça ne devient pas un homme? Ah non, je crois pas. Moi, je crois pas que ça devienne un homme. Heureusement, d'ailleurs, que ça devient pas un homme. Non, mais je trouve que cette affaire NKM, ça pose quand même un problème très ambigu. C'est que d'une part, si on est pour l'égalité homme-femme, et je suis évidemment pour l'égalité homme-femme, on considère que les mêmes règles s'appliquent à tout le monde. Et que d'une certaine façon, bon, il n'y a pas de raison pour que, voilà, d'autres règles s'appliquent à elle. Mais d'un autre côté, quand on regarde à l'intérieur des partis ce qui se passe, et puis à chaque fois qu'il y a une affaire sexuelle ou ce genre de truc, on va regarder un petit peu la réalité de la représentation des femmes, on se rend compte que c'est catastrophique. Ouais. Et on se dit, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même un petit coup de pouce, comme ce qu'on avait fait pour la loi sur la parité, qui est une loi qui a été défendue par certaines femmes, mais qui a été aussi... Enfin, il y a beaucoup de femmes qui étaient contre cette loi en disant il ne faut pas mettre en place ce genre de loi de discrimination positive, parce que finalement, c'est une forme de condescendance. Donc voilà, moi ça me pose toujours un problème, c'est comme les trucs de diversité, est-ce qu'il faudrait faire une discrimination positive pour permettre... Non, moi je trouve que normalement il devrait y avoir une bonne volonté à l'intérieur des partis, mais c'est peut-être un peu idéaliste de ma part. C'est-à-dire, on attend combien de temps? Ouais, c'est ça le problème aussi, on attend combien de temps? Pour voir si ça vient naturellement. Ouais, et puis là, ça veut dire quand même qu'on va se retrouver dans une primaire avec des hommes grisonnants, blancs. Oui, parce que même celui qui incarne le renouveau... C'est ça, qui ont fait les mêmes écoles, qui sont passés par les mêmes cabinets, qui se connaissent tous entre eux, enfin voilà, quoi, qui ont... C'est le même sérieux. Il y a une connivence, non, je veux dire, il y a une connivence quand même, voilà. Oui, mais elle n'est pas ménopausée. Elle fait polytechnique, monsieur. C'est un bon argument. Non, elle est soutenue par des gens en dehors de son parti, et il faut voir aussi quand même qu'on a refusé qu'elle ait des parrainages de gens qui sont en dehors du parti, alors que des écologistes ou des gens tout accepté de la parrainer. Il y a des bâtons dans les roues. Il y a notamment aussi Nicolas Sarkozy qui a recueilli beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de parrainages qui était nécessaire et qui donc préempte les choses. Mais on oublie complètement Nadine Morano qui est toujours en course. Exactement, exactement. C'est d'ailleurs, regardez, Leïla Slimani, vous qui êtes journaliste, primaire à droite, faut-il sauver NKM, la seule femme encore en lice pourrait ne pas se qualifier. Donc il y a une sorte de Libé fait quasiment la campagne de NKM pour qu'elle ait ses signatures afin qu'il y ait une femme. Alors ça c'est évidemment honorable de pouvoir qu'il y ait une femme, mais et on oublie Nadine Morano. Ouais, mais je crois que c'est si on appuie sur NKM, c'est aussi parce que elle ouvrirait les thèmes de la primaire à d'autres choses. C'est-à-dire qui on parlerait sur l'identité, voilà, un d'abord. Peu d'écologie, d'autres choses, alors que Nadine Morano, sincèrement, je pense qu'elle risque d'alourdir un peu le débat sur l'identité, etc. Donc, si NKM n'était pas là et qu'on vous avait posé la question, est-ce que vous pensez que Nadine Morano devrait intégrer cette primaire? Parce que ça manque de femmes. Est-ce que vous auriez tenu le même discours? Je ne sais pas si je suis pour la discrimination politique dans quel cas que ce soit. Ça marche quand même. Voilà. C'est vrai que donc, le thème central de cette primaire qui s'annonce, c'est Sarkozy qui l'a un peu imposé, c'est l'identité, et NKM représente celle, déjà représente la modernité parce qu'aussi c'est une femme jeune, et ancien ministre de l'écologie, elle remettrait l'écologie au centre, et des thèmes qui sont autres que l'identité, donc une femme dans la course, ça change la donne. Oui, je pense que ça change la donne, oui, puis même en termes d'image, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas être naïf, en termes d'image, pour ce parti, ce serait quand même désastreux qu'il n'y ait pas une femme, et voilà, c'est important qu'il y ait une femme, voilà, pour porter d'autres sujets. Et c'est pas André Manoukian qui va dire le contraire, n'est-ce mais pas André? Mais non. Moi, je suis pour moi, la chanteuse est pas qu'une figure féminine, c'est une déesse aussi. Mmh. Enfin, peut-être une idole, c'est-à-dire que son papa était un dieu et sa maman une humaine. Ou peut-être que son... On est là, André. Oui. En fait, c'était pour vous lancer sur une chronique musicale. Mais oui, c'est ça. Alors, elle s'appelle Al-Sahra and the Nubatones. Mais si je vous parlais de divinité, c'est parce que son prénom... Alors, elle est née à Khartoum, au Soudan. Après le coup d'état de Omar el-Béchir, elle a dû fuir pour s'ouvrir, pour survivre, bien sûr, Al-Sahra. Ouh, alors, Ra, c'est le dieu soleil. Là, on peut s'en pas être. Okay. S en égyptien, ça veut dire fils de ou fille de, et Al, c'est le dieu. Al-Sahra, ça veut dire la fille du dieu soleil. Et ben, elle va suivre le cours du Nil pour s'enfuir. Elle va se laisser emporter par son courant. Pas emmaillotée dans un couffin, hein, sera pas non plus recueillie par la fille de Pharaon, mais presque mieux que ça. Le Nil, plus qu'un fleuve, va devenir son frère, son point d'ancrage, son gardien des secrets, comme il est un témoin du passage du temps, de l'homme et de l'histoire. Elle s'installe sur ses berges et elle va imaginer un phare, une maison de lumière dans laquelle on parlerait enfin un langage commun compréhensible par tous. Le seul langage que tous les hommes de la Terre peuvent comprendre, eh ben, c'est la musique. Alors ça sera sa mission. Le Nil charrie plus que du limon fertile, il charrie des légendes. La première, celle d'Osiris. Petit rappel d'égyptologie, le premier dieu c'est Atum, le soleil, puis viennent Nout, la déesse du ciel, et Geb, le dieu de la terre. Les deux vont engendrer Osiris et Seth, deux fils, et deux filles, Isis et Nephthys. Et les Épice deux garçons... C'est la tante, non ? Du coup, qui est la tante Épice, d'Osiris ? Épice est grec. Hein. Là, on est chez les Égyptiens. Oui, et ceci dit, s'appelle Benoît Hamon. Hamon, c'est, Hamon, c'est une divinité égyptienne quand même. Hein. Alors voilà, il est bon, Osiris va être le premier pharaon régnant sur l'Égypte. Il est bon, juste et sage. Et voilà, premier archétype, deux frangins au début de l'humanité, dont un gros jaloux, Seth, qui veulent tuer pour devenir calife à la place du calife. Toute ressemblance avec l'histoire postérieure de Caïn et Abel est complètement normale puisque librement inspirée. Seth tue Osiris, le jette dans le Nil. Désespéré, Isis, sa sœur et sa femme, cherchent Osiris jusqu'en Phénicie. Elle retrouve son corps, le ramène en Égypte, mais Seth s'en empare et le coupe en 14 morceaux qu'il disperse. Isis, tenace, rassemble les membres et part de son mari, reconstitue le corps avec l'aide du dieu Anubis. Ça va faire de lui le premier ressuscité de l'histoire. Entoure de bandelettes, vous comprenez pourquoi les Égyptiens ils entourent les corps de bandelettes, et réussit à lui rendre vie. Excepté, il n'y a qu'un truc qu'elle ne va pas retrouver dans son corps, c'est... Bah, la musique, puisque ouais. C'est le thème de notre chronique. Et qu'on n'y a pas encore touché. C'est son phallus qui a été avalé par un poisson. Ah, l'oxyrinque. Le phallus, pardon, c'était l'un ou l'autre. Plus tard, Horus, le fils d'Osiris et d'Isis va venger son père et de Tucet et devient pharaon. Depuis ce jour, Osiris règne sur le royaume des morts et peut ouvrir les portes de l'éternité. Al-Sahra, notre chanteuse, en remontant le Nil, ne cherche pas le kiki d'Osiris, mais elle pêche les influences au gré des flots. Elle va grandir, elle va devenir ethnomusicologue et puis chanteuse. Elle va parcourir le monde et elle va se servir de tous ses voyages pour nourrir sa musique et ses textes, du Soudan au pays arabe en passant par Rome et Brooklyn où elle est installée désormais. Il y a un mythe très ancien en Nubie qui dit que le Nil débordait à chaque saison car les dieux étaient en colère et esselés. Ainsi, les villages installés sur ses rives devaient sacrifier leurs plus belles femmes aux dieux du Nil à chaque saison afin qu'elles deviennent la nouvelle épouse du fleuve. Mais qu'arrive-t-il à toutes ces jeunes femmes ? D'un côté, le dieu du Nil et de l'autre, les jeunes femmes de Nubie et toute cette magie autour. Sans doute, ces superbes créatures ont donné naissance aux sirènes. C'est ainsi qu'Al-Sahra en est une. Mais sur sa queue de poisson, elle a peint des jambes. Alors, c'est une sirène qui peut courir où elle veut. Légende, sirène, meurtre fraternel, mais surtout guerre incessante dans son pays. Et qui travaille au village pendant que les hommes se battent ? Les femmes. Ce sont elles qui tiennent l'économie du pays. Et si l'avenir de l'Afrique était dans les mains de ces femmes ? Dans son album, Al-Sahra reprend une chanson composée par trois femmes magnifiques, trois soudanaises qu'elle a rencontrées dans un camp de réfugiés. C'est une simple chanson d'amour pleine de joie, créée au milieu d'une détresse sans nom. Et cette chanson lui a donné de nouvelles perspectives et surtout, cette chanson lui a donné la force de croire à nouveau en un Soudan assez grand pour toutes et pour tous. On écoute Al-Sahra. شفت الحبايب قاموا قالوا قاموا قالوا قالوا السلام أسياد الحضارة أسياد الطيبة أسياد الإيمان السلام يا يما رد السلام Salam Nubia, elle s'appelle Al-Sahra. Exactement, et ça, la sortie mondiale de son album est prévue le 30 septembre et elle sera en concert au Flow à Paris le 11 octobre. C'est une reine, elle est sublime. Et pour tous les France intériens dans le reste de la France, l'album ? L'album sort le 30 septembre. Il s'appelle comment ? Mondial, c'est... Alors, cas, l'album, elle s'appelle Al-Sahra. Al-Sahra and the Nuba Tones. D'accord. Voilà, les tons de Nubie, la Nubie étant cette partie du sud de l'Égypte où, vous savez qu'au Soudan, il y a des pyramides qui n'ont jamais été explorées à cause de la guerre incessante et on risque peut-être d'être surpris en allant fouiller. Peut-être qu'on va retrouver le Michel Rocard. Leïla Slimani est avec nous, la romancière qui publie Chansons douces chez Gallimard. On va en reparler tout à l'heure avec Juliette Arnaud. Et là, la douceur de la musique. Oui. Il y a une transition avec douceur. Oui, on peut y aller. Et la douceur de Guillaume Meurice, qui son regard sur l'actualité est d'une douceur troublante. Leïla Slimani, je vous laisse juger. Mais oui, parce qu'en plus, je vais vous parler des bienfaits de la colonisation aujourd'hui. Parce que Leïla, vous écrivez régulièrement, hein, si je ne m'abuse, dans la revue Jeune Afrique. Et je trouve que vous ne parlez pas assez de ça hein, dans la revue Jeune Afrique. Hein, même dans vos chroniques, il n'y a pas ça. Pourtant, c'est un bel échange, la colonisation. Même François Fillon, il en a parlé. Hein, il a parlé d'un partage de culture. Et c'est vrai, hein, on leur a construit des routes en échange de leurs richesses. C'est un partage, finalement. Une départementale contre l'exploitation d'une mine de diamants. Ça me paraît équitable. D'ailleurs, puisqu'on parle de diamants, je suis allé hier au salon de la bijouterie qui avait lieu porte de Versailles, dans le but, justement, de vous en offrir un, Leïla. Alors, je suis chroniqueur à France Inter, hein, donc j'ai cherché quelque chose qui soit, disons, dans mes prix. Nous, dans notre collection particulièrement, ça peut atteindre, disons, 20 000 euros. C'est quelques bijoux. Oui. Nous, la moyenne des bijoux se situe entre, on va dire, 2 000 et 5 000 euros. Quoi. Oh, bah, ça va. Oui, ça va. Oui, ça va. J'avais peur que ça soit excessif, mais ça reste raisonnable. Hein, entre 2 000 et 5 000 euros, c'est un dixième de ce que touche Manoukian pour jouer la pin-up de Bolloré au Grand Journal. Je ne dirais que c'est voilà. Pas... Je trouve qu'on leur fait beaucoup de publicité. C'est pas excessif. Que ça, franchement, ça vaut pas la peine. Très restez bien. Avec nous, plutôt. Restez avec nous, André, aussi. Mais alors, moi, la question que je me pose, c'est d'où viennent ces diamants ? Parce que moi, je veux qu'ils viennent d'Afrique, hein, c'est important pour moi. Je veux favoriser les échanges, c'est mon côté filloniste. Alors, allons voir un commercial. Nos bijoux sont fabriqués entièrement en Italie. Ouais. L'usine est à Florence. Et la provenance des pierres. Les pierres, non, je suis entré en fait dans cette société il y a seulement 3 mois. Donc voilà. Bah, c'est dommage, alors il faut vous renseigner du coup. Ça va être j'en perds mon latin. Ouais, c'est dommage qu'il en perde son latin. Latin que Jules César avait essayé d'imposer en Afrique, hein, d'ailleurs, hein, disons-le, toujours dans le cadre d'un échange culturel. Bon, c'était à coup de hache dans la tête, hein, mais c'est comme les Américains et la démocratie au Moyen-Orient, ils sont obligés de le faire à coup de missile. Hein. Ce sont des pays qui manquent souvent d'ouverture d'esprit, et une bonne ouverture d'esprit commence toujours avec un missile ou un coup de hache dans la gueule, on le sait. Mais ça m'en dit pas plus sur la provenance donc, de ces diamants, alors je suis allé voir un autre commercial. Je suis juste commercial et... Par contre, oui, je ne sais pas d'où ils viennent, moi. Ah bah comment ça se fait, si vous êtes commercial ? Oui, c'est vrai. Je ne me suis pas interrogé, mais ce sont des diamants... Ah bah moi, je veux bien vous en acheter un, mais je veux savoir d'où ils viennent. Alors là, il faut poser la question au directeur. Voilà, on va faire ça directement. Alors j'y suis allé, mais il n'a pas voulu me répondre, le directeur. Bah, il était occupé à pimper une dame d'un certain âge, hein, qui tentait de cacher son indécence derrière une parure de pierres précieuses. Pour résumer, il faisait du tuning de vieille riche. Voilà, hein, pour résumer, c'est un concept. Alors j'ai essayé autrement, je suis allé voir une créatrice de bijoux. D'où viennent ces diamants ? Les diamants viennent d'Anvers. Il y a des diamants à Anvers ? Il y a des fournisseurs de diamants à Anvers. Ouais. Ah, mais ils viennent d'où alors du coup avant ? Alors il faut savoir que je ne suis pas joaillière. Je design, je dessine, je m'entoure de joailliers, mais je ne vais pas chercher avec mes petites mains les diamants. En fait, je ne vais pas creuser la terre pour aller chercher mes diamants. Je pourrais... Oui, mais qui le fait ? Des petits noirs qui travaillent tout le temps. En plein. Mais le roumain est moins cher en ce moment. Oh, qu'est-ce qu'on rigole chez les bijoutiers. Elle nous a repéré, qu'est-ce je crois. Qu'on dit des bêtises des fois. C'est vrai que c'est une bêtise. Il n'y a pas de mine de diamants en Roumanie. Il y a juste une mine qui fournit le racisme de Manuel Valls. Mais il n'y a pas de diamants. Mais elle m'a parlé des petits noirs. Et ça m'intéresse parce que je sentais que la piste était bonne. Alors je suis allé voir cette fois-ci un directeur des ventes avec toujours la même question, hein, sur la provenance des diamants. Ben, ils viennent de tous les pays d'Afrique qui sont soit fréquentables, soit non fréquentables. Ah, il y en a qui viennent de pays d'Afrique non fréquentables ? Oui, il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont des dictatures, vous n'êtes pas sans le savoir. Mais ça veut dire que si j'achète votre diamant, je peux avoir du sang sur les mains ? Ça s'appelle le Blood Diamonds. Et ça vous pose pas de problème, ça ? Ça ne me pose aucun problème. Voilà, ah, ça c'est toujours bien les personnes qui assument. Et le directeur des ventes, il assume, hein, n'est-ce pas qu'il assume? Si pour une pierre qui fait un demi-millimètre de diamètre, il faut que je regarde si le dictateur a tué un peu de sa population, c'est compliqué pour moi à gérer. Oui, mais si vous savez qu'ils viennent d'un pays comme ça, est-ce que ça vous pose pas de problème? Non, ce qui me pose un problème, c'est de ne pas avoir d'appro et de ne pas livrer mes clients. Voilà, c'est ça le vrai problème. Hein. Donc si la duchesse de mon cul sur la commode, elle a pas sa rivière de diamants pour faire sa pupute à la garden party, comment on fait? Ah, il est là le vrai problème. Le petit Africain, on s'en fout, il n'est pas invité de toute façon à la garden party, hein, donc c'est logique. Alors dernière question quand même, et si c'était son gamin à lui qui cherchait les diamants, oh là, au directeur des ventes? Ça peut pas être mon gamin, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai la peau blanche. Oh, oui, vous êtes décomplexé quand même. C'est très segmenté comme hiérarchisation sociale. Oh, donc si c'est un gamin noir, ça vous dérange pas? Ça me dérange, mais si vous voulez, il faut que les utopistes arrêtent de vouloir régler les problèmes parce qu'ils ne les régleront pas. Voilà, les utopistes, les utopistes, arrêtez d'emmerder le monde. Les gros connards qui exploitent les gosses, c'est pas un problème, mais les utopistes, oui. La preuve, hein, Leïla, c'est que je voulais vous ramener un diamant, mais vous savez ce qui m'a empêché? La saloperie d'utopiste qui sommeille en moi. Je vous dis merci quand même. À votre service. Merci Guillaume Meurice. En effet, Leïla Slimani est avec nous. On va aborder le deuxième sujet. On pensait beaucoup s'énerver sur le procès Cahuzac, le procès du mensonge politique et de l'évasion fiscale. C'est vrai, on s'énerve, mais on rit beaucoup aussi. Car d'après l'accusé, tout est de la faute de Michel Rocard. Mais il ne savait pas, enfin il ne sait plus. Mais bon, ce serait pour le soutenir en 92 que l'ancien ministre du budget aurait ouvert ce compte en Suisse. Bon, alors la parole est à l'avocat de Jérôme Cahuzac, allons-y. L'espérance d'une vieillesse tranquille, et puis tout d'un coup, le trait de plume, le décret scélérat qui abolit la propriété. Et une fois à la rue, qu'est-ce qui devient le pauvre homme, hein? Une proie. Tous les cannibales qui lui secouent son carbure. Ah, entre les chacals de la bourse, les vautours de l'immobilier et les requins du placement industriel, c'est le grand régal. Elles ont beau spil, les éconocroques. Voyez d'ici le carnage, monsieur le président. L'homme à terre, piétiné, qu'on achève. Blié dans un grand seigneur. Leïla Slimani, quelle réaction peut susciter en vous le nom de Cahuzac et tout ce qui gravite autour? Bah moi, j'ai une réaction de romancière, parce que c'est une histoire extrêmement romanesque. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon roman, faire un bon film. Il y a, par exemple, bah, il y a ce côté complètement schizophrène, du type qui s'enferme dans le mensonge, qui joue à la fois les grands hommes d'État, mais qui en même temps est en train de gérer ses comptes à Singapour, sur l'île de Man, et puis je ne sais pas où encore. Lui non plus, ne sait plus où. Voilà, il y a cet enfermement dans le mensonge qui devient complètement pathologique, être prêt quand même à aller devant l'Assemblée nationale, jurer qu'on n'a pas ce qu'on sait tout à fait qu'on a. Et puis en plus, dans un pays comme la France, on sait très bien que ça va finir par sortir. Donc il y a cet enfermement qui est quand même incroyable. Et puis il y a l'histoire de couple qui est quand même hyper croustillante, qui est géniale. Que vous avez regardé de près. Oui, j'ai regardé dans le journal du dimanche. Il y avait un article qui racontait qu'elle avait donc quand même engagé un détective privé pour retrouver les comptes de son mari. Et puis ensuite, des gens viennent la contacter, des espèces de types un peu bizarres qui lui promettent contre 3 000 ou 10 000 euros de lui retrouver les numéros de compte. Elle s'est faite complètement plumer, mais elle a quand même retrouvé le compte à Singapour. Et puis voilà, derrière cette histoire politique, il y a aussi une banale et sordide histoire d'un couple qui se balance des trucs de chantage comme ça. Sur fond de clinique, de chirurgie. C'est génial. C'est le genre de truc, si vous l'inventez, on vous dit non, mais c'est pas réaliste, n'importe quoi. Une espèce de côté Dallas glamour avec au milieu Michel Rocard. J'adore. Plutôt telenovela brésilienne. Ouais, puis accabler un mort à la fin. Voilà, enfin ça c'est quand même... Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Oui, mais j'en attends beaucoup. Je me doutais que vous auriez l'œil de la romancière. Chabon Delmas, méfie-toi. Mais la citoyenne qu'il y a derrière vous et la journaliste, il incarne aussi le rejet du politique. Oui, il incarne aussi le rejet du politique, oui, évidemment, parce que bon, il y a aussi un truc... complètement ridicule. Et puis il y a une forme de jubilation de la part de n'importe quel citoyen à regarder un ministre des Finances qui se fait prendre pour fraude fiscale. Ou quelqu'un de riche qui planque son fric. Voilà, c'est un peu, il y a le côté Colombo. Ouais, exactement. Là, dernièrement au Maroc, il y a un couple d'islamistes hyper prédicateurs, très dur, très puritain, qui s'est fait prendre dans une voiture en train de faire l'amour sur les abords d'une plage. Bah, c'est un peu le même principe, quoi. Voilà, quand on fait un peu trop de la vertu son fonds de commerce et qu'on se prend de la main dans le sac, bah... Ah oui, c'est nous, pas ils font ça chez Castorama, donc voilà. C'est plus romantique que bord d'une plage. Non, nous, on est dans le partage et dans l'échange culturel. Voilà, le procès Cahuzac ou le passé qui vous rattrape, comme Sarkozy d'ailleurs, hein, renvoyé en correctionnel pour la campagne de 2012. Tout cela est en effet très romanesque. Leïla Slimani, revenons à l'ouvrage qui vient de paraître chez Gallimard. Et qui s'appelle Chanson douce. Exactement, avec Juliette Arnaud. Et on va commencer avec une chanson douce, hein, la chanson. Donc les paroles, une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce, j'écoutais en... m'endormant. Merci Guillaume. Et voilà, en quelques mots, restituer la paix de l'enfance par la plus célèbre chanson enfantine française 1950, Maurice Pont et Henri Salvador. Tout le monde l'aime, cette chanson. Les enfants, c'est joli, c'est mélodieux, ça finit bien. On flippe un peu pour la petite biche, on a le suspense, le loup, tout ça, mais le chevalier arrive et l'épouse. La petite biche, hein, pas le loup. Ben oui, on est en 1950 les enfants, pas en 2016. Les parents, ils l'aiment aussi beaucoup la chanson, hein, beaucoup beaucoup. C'est joli, c'est mélodieux et surtout, surtout, à la fin de la chanson, l'enfant dort. Merci, bisous, merci. Tandis que dans Chanson douce, Leïla Slimani, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le tue, le suspense, hein. Alors j'y vais aussi parce que ça me fait plaisir de le dire à voix haute. La Noutou, elle tue les enfants. Parce que mon plaisir préféré dans la vie... c'est spoiler, c'est bousiller le suspense. Comme par exemple, tu rentres dans une salle de cinéma où ça joue Juju le suspect en 1995 et tu cries « Kaiser Sosé, c'est l'handicapé !» Et là, j'ai droit, il n'y a personne pour me taper. Pourquoi? Parce que Leïla Slimani, elle attaque son roman de la sorte. Et pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Parce qu'elle est adepte de Columbo? Mauvaise réponse, Alex. Parce que c'est comme ça la tragédie. Le spectateur, il sait dès le départ que c'est plié. Phèdre, par exemple, je vous l'avais déjà dit, elle rentre sur scène et elle dit « Soleil, je te viens voir pour la dernière fois ». Et bim, à la fin de la pièce, Phèdre, ad patres, ainsi que Non, sa nounou, clin d'œil, et Hippolyte. La question n'est donc pas de savoir qui a tué le colonel Moutarde dans la bibliothèque avec une pompe à vélo, mais pourquoi Mademoiselle Rose a tué le colonel Moutarde avec une pompe à vélo dans la bibliothèque? Et accessoirement, pourquoi avec une pompe à vélo? Bref, je m'égare. La tragédie a un rôle cathartique. Prévenir les gens de ne pas faire le mal en suscitant deux choses, la terreur et la pitié. Vaste de programme. La terreur d'abord. Dans le livre de Leïla Slimani, parce qu'il faut avoir le cœur bien accroché à la lecture de ce conte de fées moderne. On passe de la nounou miracle qui permet aux parents de poursuivre leur vie sociale, tout en étant le top des super nannies, à la main sur le berceau, insidieusement mais sûrement. Avec quand même l'apparition de signaux énormes que personne n'a le temps ou le courage de lire. Je recommande à tout le monde la scène de la carcasse de poulet lavée au pec citron. C'est un sommet de terreur lynchienne. Hein, tellement que pour m'aérer, ce que je faisais, c'est que je lisais et en même temps, j'allais voir l'Instagram de Kim Kardashian. Et enfin, là, si ça aère. Si ça aère, allez le voir. On recommande au jury du Goncourt, c'est pareil. Et puis, la pitié, hein, la pitié pour l'ultra-moderne condition des femmes, l'ultra-moderne solitude de la nounou, son immense précarité, sa sodade qui vire névrotique, voire psychotique. La pitié naturelle qu'on a finalement pour tous les perdants. Et alors, dans cette histoire, tout le monde l'est perdant. Le drame n'arriverait peut-être pas si les uns s'intéressaient à l'autre, si Paul et Myriam, en sus de confier à Louise leur bien le plus précieux, leur progéniture, s'interrogeaient sur cette intimité qui ne va que dans un sens. Quant à la morale de l'histoire, je vais plutôt vous faire ma morale de l'histoire en deux points. Premier point, merci mon Dieu ou qui que vous soyez de ne pas avoir d'enfant. Et deuxième point, souplet, prato, patron, encore une bière. Juliette Arnaud, merci. Chacun se fera sa morale et vous, ça a été un peu aussi chasser le mauvais œil, Leïla Slimani, parce que vous avez écrit au moment où vous cherchiez une nounou. Ouais, il y avait un côté cathartique, comme elle le disait tout à fait justement. Oui, le fait d'exorciser aussi ses cauchemars, parce que moi, je trouve que dans la maternité, il y a une part de cauchemar qu'on a tendance à éluder, qu'on ne veut pas regarder. Ah bah vous ne l'éludez pas. Hein. Voilà. À partir du moment où on a des enfants, moi je trouve qu'on imagine des choses absolument atroces. On est pris d'angoisses qu'on n'avait jamais connues avant. Et moi j'avais envie d'aller voilà, jusqu'au fond de ces angoisses. Moi ma sœur m'a dit de lire ton livre, c'est comme quand tu as une croûte et que tu grattes la croûte en disant tu sais que ce n'est pas bien mais tu la grattes quand même. Bah, c'est un peu ça quoi. Voilà, j'ai envie aux gens. C'est un très beau livre, très belle histoire, très bien écrit. Vous aussi en écrivant, il y avait des moments où vous aviez envie de vous échapper. Que vous écrivez, vous êtes volontairement plongé dans un cauchemar, vous alliez sur l'Instagram de Kim Kardashian non, ou autre mais chose. En même temps, il y avait aussi l'envie de maintenir un suspense. Donc, oui. Si vous voulez, le début est horrible. Et puis après, il y avait plutôt quelque chose de l'ordre, un peu un jeu comme dans les séries B, effectivement, la main sur le berceau. Ce jeu un peu des indices qu'on amène petit à petit pour dire, vous voyez bien, ça va aller de plus en plus mal, ça va mal, ça va mal. Vous voyez bien, voilà. Il y a une carcasse de poulet lavée au pec citron. Voilà. Le fait divers romanesque, donc chanson douce paru chez Gallimard. Ce happy end dont on parle. Mais achetez-le, hein, parce que vraiment, ça commence bien. Mal, mais ça finit bien. C'est ça. Comme dans notre émission. Grâce à Michel Rocard, qui apparaît dans le dernier chapitre. C'est Michel Rocard qui a choisi le troisième sujet. On finit toujours avec un sujet plus léger. C'est déjà la fin du look hipster. Le barbu à chemise à carreaux qui achète des vinyles. Pourquoi est-ce que c'est fini ? Eh bien parce que tout le monde l'est devenu hipster. Alors c'est fini, voilà. C'est con parce que c'est une fois qu'on est nombreux qu'on peut faire entendre ses revendications. Le monde est rempli de haine. Il y a des gens qui mangent encore du gluten. Ce monde est sans foi ni loi. Les restos Jap sont souvent tenus par les Chinois. Je dis ça ou je dis rien, on a des problèmes. GoPro qui se coupe trop tôt, les fautes d'ortho sur le macchiato. Je dis ça ou je dis rien, mais je le dis quand même. Les brunchs sans quinoa, quinoa. Le palmacho. Et bien sûr, chacun ses préoccupations, ses revendications. Dans la rue pour le quinoa. Jean-Luc Mélenchon l'a d'ailleurs fait. Défendant le quinoa. Donc tout est politique, Leïla Slimani. Alors déjà, vous qui êtes journaliste, vous l'êtes toujours, oui. D'une certaine manière. Est-ce que vous devinez un petit peu dans quel journal on a trouvé cette info sur le hipster qui n'est plus hipster? Dans Libé. Bien joué. Ouais. Et voilà. One point. Libération. Il y avait Society. C'était oui, possible. Oui, aussi, ouais, c'est vrai. Oui, alors on parle de quotidien. Donc Libé est en deuil. Hein, le hipster est mort. Donc c'est un drame pour toute la rédaction. Voilà. Donc une fois que le look est récupéré, nous explique l'article qui est intéressant parce que je pense que vous aussi, vous aimez regarder cette société ou ses constructions journalistiques, comme dans l'ouvrage où il s'agit d'un couple de bobos. Eh bien, une fois que le look est récupéré par les pubs pour les banques et les assurances, ou pire, par les footballeurs, c'est plié, ça devient ringard. Voilà. Mais ça veut dire aussi que le hipster, si tout le monde est devenu hipster et que le look est tué par ça, ça veut dire que c'était accessible, donc démocratique. Ce qui n'est peut-être pas tout à fait le cas pour les bobos. Ouais, mais c'est un peu l'atrocité de la société de consommation de masse, c'est-à-dire qu'elle récupère tout. N'importe quel mouvement, qu'il soit de la contre-culture, qu'il soit en marche, qu'il soit n'importe quoi, tout est récupéré à un moment ou à un autre par la consommation de masse, par le marketing, et on se rend compte qu'en réalité, c'est impossible d'être dans la, voilà, d'être sur le côté ou d'échapper à cette... En tout cas, pas longtemps. Vous avez été un peu contre-culture, vous, Leïla Slimani ? Vous avez une période comme ça ? Non, non, ou alors c'était ridicule et j'ai pas vraiment envie de m'en souvenir. Ça hipster. Veut dire oui, hein, on a bien compris. Hein, Hipster, tiens, ça vous dit quelque chose, André Manoukian ? Libé nous explique que c'est un mot qui vient de l'argot du jazz hip. Exactement, ouais. C'était années 40. Ça venait du bebop, cette nouvelle musique qu'avait créée Charlie Parker et qui était devenue indansable tout d'un coup parce qu'on avait accéléré le tempo par 3. Et en même temps, c'était une musique de virtuose et c'est la première fois que le jazz va devenir une musique réservée à une élite où il faut être initié pour piger. Voilà. Donc, les blancs qui s'encanaillent de la musique noire, nous explique Libération. Ouais. Vous en avez dans votre entourage ? Oui, non ? Non, il n'y a pas que les blancs. Il y avait aussi beaucoup de blacks qui étaient là. Ça se passe à Harlem, hein, la création de ça, c'est au Minton's, un club qui n'ouvrait qu'à 4h du matin pour accueillir les musiciens qui sortaient des autres endroits. Aujourd'hui, les hipsters se lèvent tôt pour gagner plus. Vous en croisez dans votre entourage, les Stéphanie, des hipsters, vous voyez, Moi, j'habite à Pigalle, donc les parents qui déposent leurs enfants en trottinette électrique avec la barre, le truc à carreaux, et puis qui vont manger des céréales ensuite devant leur Mac, j'en vois tous les jours, tout le temps. Je connais. Voilà. Eh ben, dites-leur que c'est ringard. Voilà, comme ça ils seront informés. Leïla Slimani, il y a une carte que vous n'avez peut-être pas à votre arc encore, mais vous allez la gagner tout de suite. Et oui, si vous acceptez. En fin d'émission, c'est de participer à un sketch. Et je crois que ce rôle vous convient, c'est ce rôle de Valérie Pécresse, que vous rêviez de jouer depuis très longtemps. Car Nathalie Kosciusko-Morizet cherche les parrainages, Charline le fait très bien. Et elle se balade, elle est perdue. Et elle tombe sur Valoche est prête à la soutenir. Et Valoche est prête à la soutenir. Vraiment. On va l'entendre. Un parrainage, s'il vous plaît, un parrainage. Bah alors, Nataloche, t'es à la rue ? Bah oui, en plus, j'ai plus de clopes, il n'y a pas un SDF dans le coin pour me dépanner. Sur la tête de Big Malion, sache que tu as tout mon soutien. Oh, merci, Valoche, merci. Toi, au moins, tu es sensible à la détresse humaine. Ah, bah on est comme ça dans les Yvelines. Oh, si tu savais comme je souffre. Bah oui, mais tu l'as cherché. Quoi ? Être une femme, c'est chercher, alors ? Non, être une femme, c'est pas grave. En revanche, être d'extrême gauche... Mais même quand je pose en robe blanche, alanguée au pied d'une harpe... J'avoue que ça aurait pu être pire, avec un sari près d'un djembé. Oh, Valoche. Valoche, est-ce que tu veux être mon parrain ? Écoute, ma reine, à la rigueur, pour un parrain, va à Levallois-Perret. Oh ! J'aperçois Nicolas ! Hé ! Paul Bismuth ! Je ne suis pas coupable. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Mais non, c'est Nathalie, enfin... Je ne connais pas Nathalie. Nicolas, il me manque 4 parrainages. Je ferai ce que tu veux. Ah, calme-toi, Nathalie, on n'est pas chez Castorama, là. Nicolas, Nathalie pourrait ne pas participer à la primaire. Ah, oh, quel dommage, hein, quelle grande perte pour les primaires. Sinon, il n'y aura pas de femme au premier tour. Ah ben ça, c'est pas gentil pour Nadine. Sinon, il n'y aura pas de féminité au premier tour. Ça, c'est encore moins gentil pour Nadine. Alain Juppé, François Fillon et moi-même sommes favorables à sa participation. Alors, quelle chance elle a d'être soutenue par 2 croque-morts et une Versaillaise. Tu te souviens que j'ai été ta porte-parole de campagne présidentielle? Ah oui, je m'en souviens, ça m'a bien réussi, mais... Nathalie, dis-lui que tu n'es pas communiste. Nicolas, je porterai plus jamais mon t-shirt du Tché sur les plages du Touquet. Ben voilà, tu progresses. Et je ne prendrai plus jamais de merguez, de petites saucisses de gauche, là, à la cantine de l'Assemblée nationale. T'en fais pas un peu trop, là, Nathalie? Ah, très bien, je m'en vais. Je vais aller demander un parrainage à Michel Rocard. Ouais, vous jouez vachement bien. Oui, vous avez fait du théâtre. Il y a un côté versaillaise en vous, hein, je suis désolé. Alors c'est peut-être gênant, vous n'avez pas prévu, c'est votre famille qui va vous en vouloir. Votre culture. Leïla Slimani, on ressortira ce sketch quand vous aurez remporté le concours. Peut-être que cette tenue en comptant le jury, c'est pas un des talents de comédienne comme vous avez. Merci en tout cas, Leïla Slimani, d'avoir passé du temps avec nous. Vous écrivez toujours un peu dans Jeune Afrique Oui, je viens de publier un article cette semaine, donc on peut dire que oui. Eh ben, très bien, voilà. On renvoie à Jeune Afrique, alors vous occupez notamment l'Afrique du Nord, du Maghreb. Voilà, c'est ça. Voilà. Leïla Slimani, donc, qui fait paraître Chanson douce chez Gallimard. Vous pouvez réécouter, bien sûr, la chronique de Juliette Arnoux. Et ça commence par Le bébé est mort, ça finit pas comme ça, mais si. Bah, si. En fait, si, ça commence comme ça finit, et c'est comme ça. Merci Leïla Slimani, merci à vous tous autour de cette table. André Manoukian, Juliette Arnoux, Guillaume Meurice, Alex Vizorek, bien sûr, on revient demain. Avec Samir Ghesmi pour un film. Tout à fait. Voilà. Et puis, on va laisser le mot de la fin. Je propose qu'on le laisse à Jérôme Cahuzac. C'est pas moi, c'est la banque. Ils m'ont tout pris. J'ai plus checké. La carte bleue, c'est la carte bleue de ma mère. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détail des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Pour 139€ par mois, ne dites plus jamais. Ok, toi tu cherches une place à droite et puis moi je regarde à gauche. Smart for Two, garez-vous enfin là où vous allez. Smart for Two 45 kW pur à partir de 139€ par mois. Offre LLD 48 mois 40 000 km sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. Comme tous les matins, j'étais sur le trajet du taf. Comme tous les matins, je marchais la tête un peu dans le sac, les yeux rivés sur mon portable. Ce matin-là, j'ai pas fait gaffe en traversant le boulevard. Et je me suis fait faucher par une voiture. Aujourd'hui, mon seul trajet, c'est entre mon lit et ma salle de bain. Mon frère veut tout arrêter pour s'occuper de moi. Mais cet accident, c'est le mien. Je le laisserai pas foutre sa vie en l'air. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route? Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Moi, c'est Chloé. Je partage un appart avec 2 colocs. Et des 3, je suis clairement la plus désordonnée. Je laisse tout traîner derrière moi. Non, je reconnais, je manque de sérieux. Sauf pour une chose, ma santé. Alors pour ma mutuelle, j'ai choisi MGEN. Pour eux aussi, la santé, c'est sérieux. Ils vont même plus loin. Mon offre MGEN inclut des services d'assistance. Par exemple, si je suis immobilisée après un accident, devinez quoi? J'ai droit à une aide ménagère. Chloé a choisi MGEN. Et vous? Pour en savoir plus, rendez-vous sur mgen.fr. Il est 18h sur France Inter. Bonsoir Nicolas Demorand. Bonsoir Charline Vanhoenacker. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le 18-20 d'Inter, le programme de ce mardi 6 septembre, 18h15. Brexit, traité transatlantique, énorme amende infligée à Apple. Voici quelques éléments de notre entretien avec le commissaire européen Pierre Moscovici. Il est l'invité d'Un jour dans le monde. À 19h20, un téléphone sonne économique et social sur le chômage. Dans quel état est exactement le marché du travail en France? Peut-il créer durablement de l'emploi? C'est l'une des questions que l'on aborde. abordera tout à l'heure. Intervenez au 01 45 24 7000 par mail sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Telson. Le journal de 18h et 1 minute, Florence Paracuelos, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. À la une ce soir, des assurances qui récompensent votre comportement si vous faites du